salut l'équipe du Star System, ici c'est Angelo. Bon, j'aurais un message pour Gérard. J'aimerais qu'il m'explique comment fonctionne sa chaîne Ifi, parce que pendant qu'il anime ses débats à la con, on est en train de se bourrer sur Sandy, lui pisser, lui chier la gueule, on aimerait bien le faire en musique en écoutant sa voix de pédé à la radio. Voilà, puis en plus elle aime ça ta cochonne Gérard, hein. Alors tu dis bah... La cochonne à ton merde, espèce de pas. Et tu nous laisses bourrer ta femme. Allez, grosse bise à la fesse droite, c'était Angelo.